Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Si on t'a plus récent avec une information de sport local et régional, ben ça va être assez court ce matin. On va quand même parler qu'au Challenge Banque Nationale, on sait que ça s'est terminé dimanche à Ville-Saguenay. Hier, on a reçu Caroline Deville, qui est une des organisatrices du tournoi. Et évidemment, elle mentionne que les assistances étaient quand même très intéressantes à Ville-Saguenay. Ben, écoutez, oui, là, ça a été bon toute la semaine. On a eu des écoles, on a eu des gens, bon, surtout en session de soir, hein, parce que les gens travaillent de jour. Faut pas oublier que notre événement dure quand même une grosse semaine et 2-3 jours avec les qualifications. Ça fait que c'est quand même très long comme événement. Et puis, demi-finale, ben, c'est certain que si on avait eu une Canadienne ou une Québécoise, ben, là, on aurait probablement eu plus de monde. La finale, ben, c'est toujours quand même assez bon, parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui achètent leur billet seulement pour la finale, justement en espérant avoir bon une bonne finale. Là, c'est cette année qui a été un petit peu à sens unique. Donc, le match n'a pas duré très, très longtemps, mais tout au cours de la semaine, on a eu de très bons matchs, des matchs serrés, des matchs enlevant en 3-7. Puis, on a vu, c'est sur toutes sortes de styles de jeu. Fait que je pense que c'est spectaculaire. Allez, David, a salué la performance des joueuses de tennis canadiens. Le point positif, là, pour ce qui est de nos jeunes joueuses, là, on a aussi Liliane Fernandez, québécoise, là, qui a gagné quand même 2 matchs à l'âge de 15 ans seulement. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de points positifs. Andreescu qui a gagné le double en compagnie de Carole Zhao, donc ça, c'est très bon aussi. Fait qu'il y a quand même eu beaucoup de bonnes choses, de belles choses. Et puis, on verra là, l'an prochain, c'est sûr que ces joueurs-là vont continuer à s'améliorer, puis ils devraient être de retour à Saguenay, du moins, on l'espère, là, pour continuer là, à accumuler de précieux points, puis prendre de l'expérience. Caroline Delisle a mentionné dans un dernier temps qu'elle a parlé de la victoire de Greta Harm, une Hongroise de 38 ans qui a remporté la victoire. Par ailleurs, on apprend ce matin que l'organisation de Ville-Saguenay pourrait être intéressée à obtenir une tranche de la Coupe Davis. Il y a eu des discussions préliminaires entre Eugène Lapierre et également Jean Delisle, qui est l'un des organisateurs du tournoi de Ville-Saguenay. Rappelons que Ville-Saguenay a déjà organisé une tranche de la Coupe Davis dans les années 80, avec entre autres Stéphane Bonneau. Nouvelle très importante également concernant Taxidermie Mario Bilodeau. Beau partenariat entre Taxidermie Mario Bilodeau et les Saguenayens de Chicoutimi. À compter de bientôt, Bilodeau Canada va fabriquer les vêtements des Saguenayens de l'endroit. Maintenant, on va parler également du côté du MJR Express de Ville-Saguenay. On sait qu'ils ont remporté une victoire de 4-2 en fin de semaine contre Charlevoix. Hier, on a reçu l'instructeur-chef Gino Gagnon. Ils ont reçu une bonne nouvelle au cours des derniers jours, c'est que l'homme fort Yves Girard va rester avec l'équipe pour le reste de la saison. Et Gino Gagnon est pas peu fier de cette acquisition. Et le MJR Express de Ville-Saguenay a conclu une transaction au cours des derniers jours. Ils ont cédé Luc Leclerc à Charlevoix et l'instructeur-chef Gino Gagnon a parlé de cet échange. Oui, c'est ça. Disons qu'on avait un surplus d'hommes forts. OK. Puis, ça, on ne peut pas appeler tout le monde. Ça fait que, écoute, on essaie toujours de rendre heureux nos grosses. Fait qu'on, on l'a échangé. Puis on est allé chercher David Duval, un défenseur originaire de la baie. Encore là, c'est une bonne personne. C'est un gars qui va nous amener de la profondeur à la ligne bleue. Ça fait que c'est un défenseur. C'est un défenseur type défensif qui est assez robuste. Fait qu'il va vraiment avec l'image de notre équipe. Puis, il n'a pas froid aux yeux. Il est capable de faire une bonne première passe. On est vraiment content d'être allé chercher ce joueur. Prochain. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Caroline Delisle et on parle également avec Gino Gagnon du MJR Express de Ville-Saguenay. Le sport local et régional à danradiosport.com. La référence du sport, on s'en occupe.